Lorsque la porte s'ouvrit et que le médecin parut, il lui sembla voir entrer le salut, la consolation, l'espérance. Elle s'élança vers lui, balbutiant tout ce qu'elle savait de l'accident. Elle se promenait comme tous les jours. Elle allait bien, très bien même. Elle avait mangé un bouillon et 2 œufs au déjeuner. Elle est tombée tout d'un coup. Elle est devenue noire, comme vous la voyez. Et elle n'a plus remué. Nous avons essayé de tout pour la ranimer, de tout. Elle se tut, saisie par un geste discret de la garde au médecin, pour signifier que c'était fini, bien fini. Alors, se refusant à comprendre, elle interrogea anxieusement, répétant « Est-ce grave? Croyez-vous que ce soit grave ?» Il dit enfin « J'ai bien peur que ce soit fini. Ayez du courage, un grand courage. » Et Jeanne, ouvrant les bras, se jeta sur sa mère. Julien rentrait. Il demeura stupéfait, visiblement contrarié, sans cri de douleur ni de désespoir apparent. Prise à l'improviste, trop brusquement, pour se faire d'un seul coup le visage et la contenance qu'il fallait, il murmura « Je m'y attendais, je sentais bien que c'était la fin. » Puis il tira son mouchoir, s'essuya les yeux, s'agenouilla, se signa, marmotta quelque chose et, se relevant, voulut aussi relever sa femme. Mais elle tenait à plein bras le cadavre et le baisait, presque couché sur lui. Il fallut qu'on l'emportât. Elle semblait folle. Au bout d'une heure, on la laissa revenir. Aucun espoir ne subsistait. L'appartement était arrangé maintenant en chambre mortuaire. Julien et le prêtre parlaient bas, près d'une fenêtre. La veuve Dentu, assise dans un fauteuil, d'une façon confortable, en femme habituée aux veilles et qui se sent chez elle, dans une maison, dès que la mort vient d'y entrer, paraissait assoupie déjà.